Comme notre son est bon, même si le message est con, il te balance notre vision de ce que nous pensons. Sur de la musique caca, tu peux crier n'importe quoi. Une ode à Catherine Lara ou ton amour des bégonias. Écoute notre dancecore, elle se donne et te dévore. Confie-nous ton sort, bou bou bou, bouge ton corps. Écoute notre dancecore, elle se donne et te dévore. Confie-nous ton sort, bou bou bou, bouge ton corps. La dance a su innover depuis de nombreuses années pour devenir le style corrosif de notre combat actif. Yo, cri de ralliement, des possibles chantants et dansants s'oppose par le verlan au œil de nos opposants. Écoute notre dancecore, elle se donne et te dévore. Confie-nous ton sort, bou bou bou, bouge ton corps. Ton sort, bou bou bou, bouge ton corps.